de la prendre à l'instant même. Une personne vient d'être tuée par balle dans la zone de Kinindo par des hommes non encore connus. Selon le porte-parole de la police nationale, la victime est connue sous le nom d'Aimable Hakizimana. Il était poursuivi par des criminels qui l'ont intercepté juste à l'entrée de son domicile. Ils l'ont dépouillé de son argent, dont on ignore la somme. Selon toujours ses sources policières, la victime est un retraité, ancien travailleur de la Banque de la République du Burundi. Deux personnes ont été tuées et 9 autres blessées lors de l'explosion d'une grenade lancée dans un groupement de gens à Moussaga, en commune de Moura, de la mairie de Bujumbura. C'était vers 18h30 de ce mercredi. La grenade a été lancée près d'une station de la gare du Sud par des personnes non encore identifiées. Les personnes qui ont succombé étaient des chauffeurs. Et à Kamenge, un bandit a été tué par balle alors qu'il volait des caisses de bière. Suivez les précisions données par le porte-parole agent de la police. À côté d'un kiosque en bois situé sur le parking de Moussaga, une grenade a été lancée à l'endroit des gestionnaires du parking de Moussaga qui était en train de partager un verre. Et sur le chat immédiatement, le chauffeur est Mourouziza Lambert, âgé de 33 ans, ont été blessés et l'un de ces derniers a succombé ce matin à l'hôpital, répondant au nom d'Ndouimana. Toutes ces personnes mortes étaient des chauffeurs qui faisaient le transport Bujumbura et Renseti. Le mobile de cette attaque serait un conflit qui oppose des cas on sait, et des gestionnaires de ce parking, mais les enquêtes sont en cours pour plus de lumière. Il y a une autre personne qui a été tuée à Kamenge par balle. Et on dit qu'il s'agit des policiers qui ont tiré. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait? Évidemment, comme vous le dites, à Kamenge, vers 3h30, c'était aux environs du matin, quartier Kavumu, à la 5e avenue, la police a poursuivi une voiture qui venait de charger 22 casiers de bière. Varier, volé quelques heures avant dans un dépôt de cette avenue. La police a essayé de faire stopper cette voiture jusqu'à ce qu'elle tire 4 coups et le voleur qui était à l'intérieur de cette voiture de marque Probox, répondant au nom d'Ondeisenga David, a été touché par le bas et est mort sur le champ. Le chauffeur a été appréhendé après que son véhicule ait dérapé et le véhicule également a été saisi. Les enquêtes sont en cours pour une poursuite judiciaire à charge de ce chauffeur parce que vous comprendrez qu'il a tenté de fuir après avoir vu les forces de l'ordre, ce qui laisse entendre qu'il était complice de ce voleur qui est mort. C'était Moïse Nkurunziza, le porte-parole adjoint de la police au téléphone avec Pascal Niyoyankunze. Et 5 enclos de maisons sur la colline Rwintare de la commune et province Kayanza ont été brûlés par des personnes qui n'ont pas été identifiées dans la nuit de ce mercredi à jeudi. L'administrateur de cette commune précise que les auteurs de ces incendies et les motifs restent jusqu'ici inconnus. Jean-Marie Manirakiza appelle sa population à rester sereine. Suivez. Hier soir, vers 20h du soir, j'ai reçu un coup de téléphone m'informant qu'il y a des maisons qui sont en train d'être brûlées sur la colline Inare, zone Murima. Il y a 5 enclos de 5 ménages qui ont pris feu par des malfaiteurs qu'on n'a pas pu reconnaître sur le champ. Vous êtes rendu sur place directement, vous vous êtes entretenu peut-être avec les familles victimes. Quelles sont les raisons comme motif de ces incendies? Les victimes, jusqu'à présent, ne comprennent pas les mobiles de cet incendie. Et c'était pour la première fois qu'on assistait à ce genre de barbarie dans notre commune. On a demandé à la population d'être vigilante, de bien suivre le mouvement sur les collines et de faire fonctionner le comité mixte de sécurité humaine de cette colline. Donc, rester serein malgré ces problèmes qui se produisent, mais aussi d'être très vigilant afin que tout passage soit identifié et reconnu. Et nous demandons de rester en communication directe avec les autorités hiérarchiques administratives. C'était Jean-Marie Manirakiza, c'est l'administrateur de la commune Kayanza. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage conseille aux agri-éleveurs de bien gérer la récolte en rentabilisant les greniers communautaires et en se méfiant des commerçants ambulants qui achètent leurs produits à des prix dérisoires. Après le tour des provinces Bubanza, Kayanza, Ngozi, Kirundo et Gitega, le ministère affirme que la production au niveau national des principales cultures pour la saison culturale B 2017 est de 80% la moyenne. Deogi de Rurema, c'est le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. Alors nous avons fait des grands constats, et entre autres qui montrent que, comme j'aurais bien précisé, la production agricole au niveau national et surtout dans les provinces que nous avons visitées, c'est une réalité, elle est très bonne et très satisfaisante. Nous avons pu remarquer que la production du riz dans les différentes provinces visitées, et le haricot, et le blé, la banane et d'autres variétés comme les légumes et la patate douce sont à un niveau très satisfaisant. Dans cette même perspective, nous avons observé qu'à travers le centre de recherche de l'Isabou de Mounanira, que ce centre est à l'œuvre dans la production de semences de maïs, semences de pommes de terre, ainsi que les semences de blé. Et donc, au niveau de la production, nous sommes très satisfaits. Le ministre Deogui Derurema tranquillise ceux qui croient qu'à part le haricot, la production d'autres cultures vivrières n'est pas bonne. Nous exhortons nos agriculteurs à bien gérer la récolte pour ne pas regretter le lendemain. Nos ancêtres l'ont bien dit, Inda nuyibwira ibyo wayihaye uyibwira ibyo wayirarije. Nous rappelons que le gouvernement du Burundi, en collaboration avec certains de nos partenaires, œuvre dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, a construit des greniers communautaires dans toutes les provinces du pays. Nous interpellons les agri-éleveurs de les rentabiliser en y conservant les récoltes pour éviter le vol et assurer une bonne gestion de la récolte. Nous tenons à décourager les commerçants ambulants qui profitent de l'abondance de la production en achetant aux agriculteurs les produits à des prix dérisoires pour les revendre à des prix exorbitants. Voilà, c'était le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage dont les propos ont été recueillis par la rédaction. Une menace de famine pèse toujours sur le Burundi malgré la bonne récolte du haricot. Ce constat est du président de l'organisation Parsem. Dans un point de presse de ce jeudi, Faustin Dikoumana a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir la famine car, précise-t-il, la bonne récolte pour cette saison culturelle B ne concerne qu'un seul produit et celui-ci risque de s'épuiser rapidement. Suivez. Nous disons que le problème reste entier parce que les conséquences de cette famine restent toujours. Il y a la malnutrition chronique, il y a l'insuffisance calorifique qui diminue la force productive des citoyens. Il y a le taux de morbidité. Vous voyez la malaria, comment elle fait rage à l'intérieur du pays. Il y a aussi les gens, les Burundais qui ont choisi de quitter le pays suite aux mauvaises conditions de vie économiques. Alors, on lance un appel au gouvernement que le problème reste entier. Et nous recommandons ce qui suit pour que la situation puisse être relevée. D'abord, il faut traiter le problème des terres cultivables. Il y a une réduction sensible des terres cultivables. 0 hectare par habitant. Ce n'est plus possible pour subvenir aux besoins familiaux. Il faut dégager des terres cultivables, stratégie. L'urbanisation qui doit tenir compte du dégagement des terres cultivables. Il faut augmenter le nombre d'exploitants professionnels agricoles. Parce que la seule femme rurale qui cultive, ça ne suffit pas pour nourrir le pays. Le budget, renforcement du budget nécessaire. Et en basket faune qu'on a toujours réclamé pour financer en suffisance le secteur agricole. Et aussi introduire l'aspect budget programme au sein du ministère de l'Agriculture. Gestion budgétaire axée sur le résultat. Aussi, c'est incompréhensible que un secteur qui contribue à 40% du PIB ne bénéficie donc qu'un mécanisme de financement. Alors qu'il reste par exemple une banque agricole. Aussi, le renforcement de la transformation agricole et la conservation. Dans le cas des filières, même si il y a une surproduction, il faut penser comment la transformer et la conserver. Et outre cela aussi, il faut renforcer des mécanismes de prévention liés à l'approvisionnement rapide en denrées alimentaires si on le juge nécessaire. D'une manière rapide, le suivi des statistiques doit nous permettre d'agir rapidement. C'est incompréhensible qu'on ait constaté, par exemple, des déficits alimentaires à partir du mois de juillet ou de l'année passée, mais la loi pour alléger l'approvisionnement en denrées alimentaires à travers la détaxation est mise en application à partir du mois d'avril, je crois, en retard énorme. Il faut la rapidité dans l'action. Aussi, il faut introduire la culture du résultat dans la gestion. Il faut se donner une vision. Fin zéro dans son pays, c'est possible, avec des évaluations régulières. C'était Faustin Ndikoumana, président de l'organisation PARSEM. Je vous l'avais dit dans les titres, la 35e session du Conseil onusien des droits de l'homme se poursuit à Genève depuis ce mercredi. Cet avant-midi, la session a analysé la situation des droits de l'homme au Burundi. Et tous les intervenants demandent qu'il y ait un dialogue inclusif. Selon Gabriel Ofili, président de l'OLUCOM, qui est à Genève comme observateur, il souligne que les participants notent une peur au sein des Burundais. La rédaction vient de le joindre au téléphone et c'est Placide Niyomongere qui vient de le joindre. Aujourd'hui matin, c'est le rapport du Burundi qui a été analysé. Par ailleurs, c'est un rapport oral qui a été présenté au Conseil. C'est un rapport apparemment accablant par rapport aux révélations contenues dans le rapport. Il y a eu le contre-rapport du gouvernement et donc un discours de 5 minutes du président de la CNDH. Mais aussi, il y a eu prise de parole de plus de 30 pays qui ont demandé la parole. Ce qu'on a pu constater, c'est que donc tout le monde a mentionné le sentiment de peur généralisé qui est dans le pays, mais aussi ils ont exprimé une crainte par rapport aux violations des droits de l'homme. Tout le monde voit comme solution donc le dialogue inclusif, que tous les protagonistes puissent participer et donner leur contribution en fait. Tous les intervenants, même le président de la commission, même, je dis bien vraiment tout le monde, est revenu sur le dialogue inter-burundais. Le gouvernement burundais s'était déjà inscrit en faux contre ce rapport malgré oral. Est-ce que vous voyez que les interventions reviennent souvent sur ce rapport malgré la position des gens du gouvernement? Le gouvernement était là parce que l'ambassadeur du Burundi à Genève a pris la parole, la CNDH a pris la parole. Apparemment, par rapport aux prises de parole, il est clair que tout le monde est vraiment a un sentiment de peur par rapport aux violations des droits de l'homme. Que ce soit dans même des pays qui soutiennent le Burundi, là je parle de la Chine, de la Russie, du Soudan du Sud et du Venezuela, tous ces pays ont pris la parole, mais ils ont en plus du principe de souveraineté, qui a même longuement évoqué, donc ils acceptent que le dialogue est la seule voie souhaitable. Bien sûr, du gouvernement burundais, on dit qu'il note réellement une nette amélioration en rapport avec le droit de l'homme au Burundi. Quand un pays ne note une amélioration en matière du droit de l'homme au Burundi? Ils ont souligné que l'insécurité qui était en 2015 n'est pas comme c'est aujourd'hui, sauf qu'il y a la persistance grave des violations des droits de l'homme. C'est le seul mot. Donc, la CNDH s'inquiète par rapport à cette loi. Ils ont demandé à ce que le gouvernement et le Parlement ne puissent pas autoriser que des agents de sécurité puissent entrer dans la maison des gens en pleine nuit. Donc, c'est pareil tout le monde qui s'inquiète par rapport à cette loi-là. C'était Gabriel Ruffieri, président de l'organisation OLUCOM, qui se trouve à Genève comme observateur. Il vient d'être joint au téléphone par Placide Niyomongere. Il est 13h11 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les personnes vivant dans la pauvreté, celles âgées des provinces Muramvya, Muyinga, Gitega et Karusi, vont bénéficier d'une aide en matière de santé sur une période de 5 ans et par l'appui de l'ONG Memisa. Et cela a été dit par le coordinateur de cette organisation ce mercredi à Gitega lors du lancement officiel de ce projet qui va coûter plus d'1 million d'euros. Correspondance d'Arthur Kavabushi. Selon le coordinateur de l'ONG Memisa, Dr. Edouard Grouziza, ce projet de soigner les personnes vivant dans la pauvreté ainsi que les personnes âgées va durer 5 ans dans les provinces de Muramvya, Muyinga, Gitega et Karusi. Ce coordinateur indique que l'ONG Memisa va collaborer avec les ONG locales œuvrant dans le domaine de la santé, comme la Croix-Rouge Burundi qui va aider dans le domaine de la santé, ainsi que dans les activités qui vont aider à sortir ces personnes de la pauvreté afin de se prendre en charge elles-mêmes. Une autre ONG est l'Association burundaise pour la défense des droits des malades, ABDDM, en ce qui concerne la sensibilisation aux droits des malades et la mutuelle nationale de la santé Mounassa dans la médecine de qualité, ainsi que les responsables de la santé au niveau de la province et du pays dans le développement des centres de santé pour que les malades soient reçus dans de bonnes conditions. D'autres intervenants dans ce projet sont constitués par l'administration dans les activités au niveau des communes et sur les collines. Ce coordinateur de Memisa est qu'ils ont choisi les personnes vivant dans la pauvreté parce qu'elles n'ont pas de moyens et ils vont leur donner des cartes d'assurance maladie. Sachez que ce projet va durer 5 ans et qu'il va coûter 1 800 000 € et que dans la première année, ils vont utiliser 300 000 €. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. La Cour pénale internationale réclame Saif al-Islam, le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi. Et au moins 18 personnes ont été tuées dans un attentat suicide de Shebab à Mogadiscio en Somalie. L'attentat de ce mercredi s'est produit après la rupture du jeûne alors que les mosquées et restaurants étaient pleins. Et l'ancien chef rebelle congolais Bosco Ntaganda témoigne pour la première fois devant la Cour pénale internationale près de 2 ans après l'ouverture de son procès. Les détails avec notre stagiaire Bitana Barthélémy. Un témoignage très attendu à La Haye, celui de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, près de 2 ans après l'ouverture de son procès, devait prendre la parole mercredi 14 juillet pour la première fois devant la Cour pénale internationale pour donner sa version des faits. Bosco Ntaganda, qui a servi dans les rébellions rwandaises et congolaises, est accusé de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité, dont pillage, attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel, commis par ses troupes entre 2002 et 2003 en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Bosco Ntaganda, qui plaide non coupable, a donc été entendu devant les juges de la CPI pour la première fois ce mercredi. Au moins 18 personnes ont été tuées ce jeudi 15 mai lors de l'attaque de 2 restaurants de la capitale somalienne Mogadiscio par des militants islamistes Shebab. L'opération est terminée et les assaillants ont été tués par des forces de sécurité, a affirmé le porte-parole du ministre de la Sécurité Mohamed Ahmed Arab, qui précise que l'une des victimes est un Syrien. Selon France 24, 10 personnes ont également été blessées lors de cet assaut qui a débuté vers 20h. Les opérations ont duré plusieurs heures avant que les forces de sécurité parviennent finalement à neutraliser tous les assaillants retranchés dans les restaurants. En Libye, dans un communiqué rendu public mercredi, Fatou Bensouda a réclamé l'arrestation de l'aide-fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Arrêté depuis 6 ans après la chute du régime de son défunt père, il avait été relâché vendredi par un groupe armé libyen qui le détenait dans une prison à Zintane. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crimes contre l'humanité est toujours en vigueur et la Libye est tenue de procéder immédiatement à son arrestation et les remettre à la cour indépendamment de toute prétendue loi d'administrer à Libye, a estimé Bensouda. Bitana Barthélémy, stagiaire à notre station, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres et je l'ai appris en même temps que vous. Une personne vient d'être tuée par balle dans la zone de Kinindo par des personnes non encore connues. Selon le porte-parole de la police nationale, la victime, connue sous le nom d'Aimable Hakizimana, était poursuivie par des criminels qui l'ont interceptée juste à l'entrée de son domicile et l'ont dépouillée de son argent dont on ignore la somme. La victime étant retraitée, ancien travailleur de la BRB. Et 2 personnes sont mortes dans une explosion de grenades lancée hier soir à Moussaga. 9 autres ont été blessées. Toujours au chapitre sécurité, un bandit a été tué par la police la nuit dernière à Kamenge alors qu'il venait de voler des caisses de bière. Et la situation des droits de l'homme au Burundi, au menu des échanges qui se déroulent à Genève en Suisse, à l'occasion de la 35e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Vous avez suivi l'activiste Gabriel Ruffieri, président de l'ELUC, qui se trouve à Genève comme observateur. Une menace de famine pèse toujours sur le Burundi malgré une bonne récolte du haricot pour la saison culturelle baie. Selon le président de l'organisation Parsem, le ministre de l'Agriculture recommande à la population de rentabiliser les greniers communautaires. Enfin, l'ONG Memissa envisage d'aider en matière de santé les personnes pauvres et âgées des provinces Muramvya, Muyinga, Gitega et Karusi. Le projet est évalué à 1 800 000 euros pour une période de 5 ans. Le lancement a eu lieu ce mercredi, comme vous avez pu le suivre dans la correspondance d'Arthur Kavavushi depuis Gitega. Il est 13h18 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. En très bon après-midi.